Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue dans cette édition langue française dont voici les principales articulations. Le rétablissement de la santé de l'ancien président du Burundi, Domitien Ndayizeye, se passe très bien après 4 jours de son hospitalisation. Le directeur général de Kira Hospital rassure qu'il est presque guéri et qu'il peut rentrer d'un moment à l'autre. Le président de la République ne peut pas dessaisir de la justice en faveur des personnes poursuivies pour inimmunité provisoire. Tels sont les propos du porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwa, qui réagit à la correspondance du facilitateur Benjamin Mokapa au mois de février qui demande que le Burundi accorde une immunité provisoire aux personnes impliquées dans le dossier du coup d'état manqué de 2015. Vous l'entendrez également dans ce journal. Et les marchandises en provenance du port de Kigoma, République unie de Tanzanie, ont commencé à débarquer sur le port de Bujumbura. Cela faisait 10 ans sans qu'aucun bateau n'explorerait le lac Tanganyika suite à un mauvais état du chemin de fer de Dar es Salaam. Vous l'entendrez également dans ce journal. Et en actualité sportive, comme il est d'usage sur Isanganiro tous les lundis, la formation Lydia Lidic est toujours leader du championnat national de football en première division. Bienvenue dans ce journal mis en onde par Eric Ouiman à la présentation en Placide Niomungue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, je vous le disais tantôt dans les titres, le rétablissement de la santé de l'ancien président de la République se passe très bien à l'hôpital Kira, où il est hospitalisé depuis 4 jours. Le directeur général de cet hôpital, Dr Christophe Sahabo, rassure qu'il n'est pas mourant, mais plutôt qu'il est presque guéri et qu'il peut sortir de l'hôpital d'un moment à l'autre. Il répondait aux questions de Joseph Sabiabandi. On peut affirmer aujourd'hui l'ex-président Domitien Ndayizeye se porte apparemment très bien et on affirme même qu'il peut sortir à tout moment de l'hôpital. C'est apparemment très bien, mais c'est pas très bien. Alors, c'est bien en tout cas. C'est bien en tout cas. L'évolution se passe très très bien et comme on vous le dit, nous nous apprêtons à le faire sortir de l'hôpital parce qu'on est confiant de l'évolution de sa santé. Ça signifie que sa maladie est maîtrisée? Elle est non seulement maîtrisée, mais elle est presque guérie. Alors, c'est pas moi qui agrée ceux qui font l'activité politique, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'à la sortie, d'ici quelques heures ou jours, il pourra vaquer à des occupations quotidiennes, même faire du sport, marcher, courir, discourir s'il le faut. Voilà ce que je peux dire. C'était Dr Christophe Sahaou, il est le directeur général de l'hôpital Kira de Bujumbura. Le facilitateur Benjamin Mkapa a adressé une correspondance au mois de février au président de la République demandant l'immunité provisoire pour les personnes impliquées dans le dossier de coup d'état manqué du 13 mai 2015. Maintenant poursuivi par la justice burundaise au niveau de la présidence. L'on indique que le président de la République n'a pas le droit de dessaisir de la justice en faveur des personnes poursuivies. Jean-Claude Karegwa, le porte-parole du président de la République, indique que les personnes poursuivies doivent répondre de leurs actes devant la justice. On l'écoute. Le contenu de la correspondance était vaste, mais la lettre insistait surtout sur deux aspects, entre autres demander que certaines personnes poursuivies par la justice burundaise soient autorisées à participer au dialogue inter-burundais au moyen d'une amnistie provisoire. Et la lettre aussi demandait certaines clarifications, certains éclaircissements sur le refus du gouvernement du Burundi de participer à la dernière session de dialogue qui s'est tenu à Arusha. Quelle a été la réponse du président de la République? Le concept d'immunité provisoire qui est évoqué par la correspondance ne figure nulle part dans les codes et lois régissant la République du Burundi. Alors, le président de la République ne peut pas s'arroger le droit de dessaisir de la justice les personnes poursuivies pour des infractions. Il peut seulement accorder une grâce présidentielle aux personnes qui sont déjà condamnées. Et le chef de l'État donc a informé le facilitateur que cela n'est pas possible et que ces personnes peuvent peut-être peut-être être régi par la loi numéro 1/05 portant révision du code pénal et qui stipule en son article 171 que l'amnistie n'est pas du ressort de l'exécutif mais plutôt du ressort du pouvoir législatif qui a la latitude d'interdire d'exercer ou de continuer des poursuites pénales ou effacer des condamnations prononcées. Et pour le moment, le facilitateur pouvait écrire à quel organe si ce que vous dites est l'immunité provisoire ne relève pas des responsabilités du président de la République? Le facilitateur n'a pas besoin d'écrire à quel organe que ce soit. Le facilitateur a seulement besoin de lire entre les lignes les lois régissant la République du Burundi et de tenir en considération les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc pour le moment, on peut dire que la correspondance reste classée mais sans effet pour l'immunité provisoire pour ces poursuivis. La correspondance n'est pas classée sans suite parce que la correspondance d'abord a trouvé une réponse, la correspondance a suscité d'autres points de discussion, mais pour ce qui est de l'immunité, vous comprenez vous-même que le président de la République ne peut pas donc accorder cette immunité sollicitée par la correspondance parce qu'il risquerait d'être accusé de haute trahison. Il est au garant de la loi de ne pas violer la loi dont il est supposé être garant. Donc la présidence reste sur sa position que les personnes poursuivies doivent être traduites devant toujours la justice. Oui, effectivement, la présidente de la République reste cramponnée sur cette position. C'est la position du peuple burundais qui s'est exprimée par le verdict des urnes. Et personne n'a le droit d'usurper le pouvoir au peuple. C'est-à-dire que ces personnes poursuivies par la justice devraient plutôt se présenter devant la justice. Peut-être que là, ils pourraient peut-être demander la grâce présidentielle. Jean-Claude Décaregua, il est porte-parole du président de la République Burundi. Page économie de ce journal, les marchandises en provenance du port de Kigoma en Tanzanie ont commencé à débarquer sur le port de Bujumbura. Cela faisait 10 ans sans qu'aucun bateau n'empruntait cette voie à travers les eaux du lac Tanganyika. Le chemin de fer de Dar es Salaam a été carrément impraticable. La réhabilitation de ce chemin de fer est ainsi bénéfique et pour les commerçants et pour les consommateurs, mais aussi pour l'État burundais. Le point avec Léon. Deux bateaux pleins de 800 tonnes de marchandises ont ouvert la voie maritime Kigoma-Bujumbura. C'est la satisfaction de la part du ministre burundais des Transports, Jean-Bosco Ntunzwenimana, 10 ans après que le chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma était devenu impraticable. Les Burundais vont acheter des produits à moindre coût. Alfred Nijimbele est un opérateur économique représentant deux associations qui importent les matières premières pour la fabrication des tôles et des tubes. La voie maritime lui sera mieux que celle routière. Les consommateurs vont aussi en profiter. Nous avons pu avoir la confirmation qu'il y a un gain d'à peu près 40% qu'on gagne sur le transport et ça va se répercuter aussi sur le prix du consommateur. Nous attendons les formalités douanières, mais nous espérons que ce gain va se répercuter sur les charges. La réouverture de chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma avait affecté le port de Bujumbura. Alors qu'il a la capacité d'accueillir 500 000 tonnes annuelles, à en croire du moins le directeur général de Global Port Services Burundi, il en était à 120 000. Bonaventure Sinzobakwira dit que sa société a toute la capacité d'accueillir les marchandises provenant de Kigoma. Depuis le déclin du chemin de fer de Dar es Salaam Kigoma, nous n'avons jamais pu dépasser 120 000 tonnes par an. Même avant, quand le chemin de fer fonctionnait encore, on n'avait jamais dépassé 250 000 tonnes par an. Donc pour dire que le matériel est là, le personnel est là, même du côté tanzanien, nous avons été là-bas. Ils ont promis de mettre à la disposition du Burundi 3 trains blocs par semaine, ce qui fait 2400 tonnes. C'est aux hommes d'affaires alors de profiter de cette nouvelle opportunité qui s'offre à eux et à nous aussi. Il n'y a pas que la Tanzanie. Le ministre burundais des Transports, Jean-Bosco Ntunzwenimana, fait savoir que l'on est en contact avec les autorités zambiennes pour que les opérateurs burundais aient plus de voix à travers le lac Tanganyika. La Zambie accepte de financer la construction du chemin de fer Kasama-Murung pour accorder le chemin de fer sur le port de Murung. D'ici peu, les Burundais le choix de s'approvisionner au port de Durban en Afrique du Sud ou dans d'autres pays parce qu'il y a des ramifications sur le chemin de fer Murungu et Durban. Le chemin de fer Dar es Salaam Kigoma sera doublement bénéfique car c'est là le point de départ pour le chemin de fer attendu au Burundi. Isanganiro, la radio de l'avenir.

22h, Vitalo et Lydia Lidic et Burundi Sport for Africa. Ce match s'est soldé sur le score d'un but partout. Au moment où il reste 5 journées avant la fin du championnat, Lydia Lidic et Burundi Sport for Africa est provisoirement classée première avec 55 points. Atletico Olympique est deuxième avec 53 points. Vitalo est en troisième position avec 51 points. Après avoir battu Rusizi FC sur le score de 3-0, Flambeau de l'Est a avancé de 2 places. 16e et dernière du championnat. Durant plusieurs journées, cette formation occupe depuis samedi la 14e place en deuxième division. Le championnat de football était en fin de week-end en sa 6e journée. Samedi, Mossochouga de Rutana a battu les Crocos de Rumongue 4-0. Flambeau du Centre a égalisé un but partout avec Santé Sport de Karoussi. Rumongue City a fait 0-0 avec Kayanza United. Unité de Muyinga a été battue à domicile 1-0. Par Delta Star de Gatumba. Évariste Nzikowa Nyanga, c'est par cette actualité si sportive que nous mettons en point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Bonne soirée à tous. Au revoir. Publie reportage sur la radio.